Escriba su respuesta en el espacio correspondiente. El texto se escuchará tres veces. Ahora dispone usted de 2 minutos para leer las preguntas. Vélo, voiture, transport en commun, marche à pied ou trottinette, quels sont vos modes de déplacement? La semaine européenne de la mobilité débute lundi. Une semaine pour réfléchir à d'autres moyens de transport que la voiture. Et là-dessus, les Européens ont encore des progrès à faire. Bonsoir Corinne Fugler. Bonsoir Brunissante, bonsoir à tous. Et oui, selon une enquête Eurobaromètre publiée l'an dernier, un Européen sur deux utilise sa voiture pour ses déplacements. 1 sur 5 recourt au transport en commun, 1 sur 8 opte pour la marche à pied, 1 sur 13 pour le vélo. À y regarder de plus près, les femmes sont plus écolos que les hommes. 47% d'entre elles se déplacent en voiture, 59% pour leurs compagnons. Ce sont aussi elles qui marchent le plus volontiers, 15%, moitié moins chez les hommes. Et 1 sur 4 utilise les transports en commun, contre 1 sur 5 chez ces messieurs. À condition, bien sûr, de disposer de transports en commun performants. Et oui, et dans 19 pays sur 27, les automobilistes réguliers, pour 3/4 d'entre eux, ont expliqué aux enquêteurs que la voiture était bien plus pratique. Ce sont les Bulgares, les Polonais et les Britanniques qui rechignent le plus à prendre le bus ou le métro. Ces automobilistes mettent en avant des horaires inadaptés ou le manque de connexion. Le covoiturage ou le paiement à la conduite intéresse de nombreux conducteurs. Les systèmes d'autopartage se taillent un beau succès aux Pays-Bas, en Italie ou en Belgique, surtout chez les usagers réguliers de transport en commun. Enfin, Brunissante, sachez qu'un tiers des Hongrois et des Tchèques utilisent les transports en commun tous les jours. Un Néerlandais sur 10 seulement. Les Pays-Bas, en effet, c'est plutôt le pays du vélo, n'est-ce pas? Et oui, en effet, près d'un Hollandais sur 3 se déplace essentiellement à vélo. C'est un record en Europe, mais 1 sur 2 utilise tout de même sa voiture au quotidien, tout comme 65% des Français. Avec les Italiens, les Slovènes ou les Irlandais, les Français constituent les plus gros bataillons de conducteurs. Champion toute catégorie, le Chypriote, avec 90% d'automobilistes, mais c'est vrai qu'il habite une petite île. Avec 3% d'adeptes seulement, le vélo n'est pas très populaire chez nous. Les Belges et les Allemands sont à 13, les Hongrois à 19 et la moyenne européenne, je vous le disais, est à 7. Merci Corinne Fugler, bon week-end. Bon week-end. Ahora dispone usted de 1 minuto para comprobar sus respuestas.